les États-Unis ne s'attendaient sans doute pas à ce que le régime chilien les frappe en récompense de leur soutien indéfectible. Pourtant, loin de s'arrêter à l'élimination des gauchistes sur le sol chilien, le régime Pinochet décida bientôt de porter la croisade anticommuniste sur le continent tout entier. En octobre 1975, le colonel Contreras invita plusieurs de ses homologues sud-américains à un séminaire secret. Le but de cette réunion ? Établir une organisation de type Interpol, mais dédiée à la subversion. Les services de renseignement du Chili, d'Argentine, d'Uruguay, du Paraguay et de Bolivie, bientôt rejoints par l'Équateur et le Pérou, décidèrent de créer un réseau d'information et de coordination pour combattre la subversion communiste. En l'honneur du pays hôte et de son emblème national, cette entreprise fut appelée Opération Condor. Dans le milieu des années 1970, Condor devint le réseau terroriste d'État le plus dévastateur du continent, avec plusieurs centaines de victimes. Surveillance, chasse à l'homme, kidnapping, torture et assassinat furent pratiqués pas seulement dans les pays membres, mais partout où se trouvait l'ennemi supposé. Condor frappa aussi bien les activistes exilés en Europe qu'en Amérique du Nord. Des alliances locales furent formées avec les troupes anticastristes de Miami, les néofascistes italiens Avanguardia Nazionale ou en France avec le gangster Albert Spaggiari. Le 21 septembre 1976, un attentat à la bombe à Washington attira l'attention de l'opinion sur les activités de Condor. La voiture du diplomate chilien en exil Orlando Letellier explosa, avec à son bord une Américaine de 26 ans, Ronnie Carpen Moffitt. Ami d'Allende, Letellier avait été son ambassadeur à Washington avant de devenir ministre des Affaires étrangères. Expulsé du pays sous la pression de l'opinion internationale après un an de détention, Letellier était devenu une des voix anti-Pinochet qui comptait à Washington. Cette attaque terroriste sans précédent à quelques blocs de la Maison-Blanche eut un effet ravageur sur l'opinion américaine. Ni l'agence ni le département d'État ne partagèrent leurs informations sur Condor avec la justice américaine. La CIA et l'administration s'étaient laissés aveugler par leur sympathie pour le régime chilien, sans imaginer qu'ils puissent mordre la main qui l'avait nourri. Compte rendu des conclusions de la première réunion interaméricaine sur les renseignements nationaux. Le 28 novembre 1975 eut lieu à Santiago, au Chili, la première réunion interaméricaine sur les renseignements nationaux, conclue avec la participation de délégués d'Argentine, de Bolivie, du Chili, du Paraguay et de l'Uruguay, qui s'accordèrent à mettre en place les recommandations suivantes pour des actions futures. Recommandation. 1. À partir de cette date, sur volonté des pays ici présents, des contacts bilatéraux ou multilatéraux vont être établis pour échanger des informations subversives. Ces pays ouvriront leurs dossiers ou leurs dossiers à venir dans leurs services respectifs. 2. Nous recommandons la création d'un bureau de coordination ayant pour but de fournir des informations sur les personnes et les organisations liées à la subversion. 3. Nous recommandons d'effectuer une étude sur la proposition faite de créer un système pour établir des contacts périodiques entre les services de renseignement, par l'approbation ou la modification de cette proposition visant à normaliser, régulariser, ce genre de réunion. 4. Nous recommandons d'établir un système de coordination passant par 3 phases d'exécution. 5. Nous recommandons la première phase suivante. A. La création d'un répertoire, registre, complet, contenant les noms et adresses des personnes travaillant dans les renseignements, de façon à être en mesure de leur demander directement toute information sur les personnes ou organisations ayant des liens directs ou indirects avec le marxisme. B. Nous recommandons que les services de sécurité, donne la priorité aux demandes d'informations classées par les services faisant partie du système. C. Nous recommandons de nous mettre immédiatement en contact lorsque des individus suspects sont expulsés du pays ou s'ils voyagent en dehors du pays, de façon à alerter rapidement les services de renseignement. D. Nous recommandons l'utilisation d'un système de cryptographie qui sera à la disposition des pays membres dans les 30 jours, tout en ayant conscience que ce système puisse être vulnérable. Il sera remplacé dans le futur par des machines cryptographiques qui seront sélectionnées d'un commun accord. E. Nous recommandons d'étudier les modèles de dossiers de renseignement personnel FICHAS qui ont été proposés et qui nous informeront mutuellement de tout changement nécessaire. F. Nous recommandons de mettre à disposition des équipes techniques les renseignements détenus par les services de renseignement sur support Telex, sur microfilm, ordinateur et par cryptographie, de façon à compléter ce qui fait défaut, à utiliser ce qui est à notre disposition et à proposer de nouveaux éléments. G. Nous recommandons de faciliter la présence de membres des services de renseignement nationaux ou d'agents similaires dans les ambassades de nos pays pour y établir des liaisons directes et personnelles. Leur présence sera déclarée par leur service. H. Nous recommandons de rencontrer les personnes qui étudient les aspects théoriques du système relatif à une base de données et à la transmission d'informations. I. Nous recommandons d'utiliser les moyens de liaison des pays ne faisant pas partie du système, plus particulièrement les pays situés en dehors du continent, afin d'obtenir des informations sur les activités subversives. J. Nous recommandons de faciliter les moyens pour faire connaître les informations visant à s'attaquer aux activités subversives liées à nos pays. K. Nous recommandons que la prochaine conférence ait lieu une semaine avant la réunion des commandants en chef des armées. Le Chili en sera le pays d'accueil et chaque pays membre ne sera représenté que par 3 délégués. L. Cette organisation sera appelée Condor. Une motion proposée par la délégation uruguayenne en l'honneur de notre pays d'accueil ayant été approuvée de façon anonyme. 6. Pour la deuxième phase, nous recommandons ce qui suit. A. Évaluation des résultats de la première phase et la proposition d'informations visant à faciliter la rédaction d'un projet de faisabilité du système en question. B. Un nombre croissant de systèmes de communication et de liens afin de permettre l'accélération de l'échange d'informations, à la fois bilatérale et multinationale. C. La proposition du projet de faisabilité du système de coordination des renseignements. 7. Pour la troisième phase, nous recommandons A. L'approbation du projet de faisabilité du système et l'attribution des fonds nécessaires à son implémentation. L'inclusion d'un nouveau pays dans le système Condor doit être approuvée par la totalité des pays ayant participé à la première conférence. Ce compte-rendu des conclusions et les recommandations qu'il instaure seront ratifiés par signature des chefs respectifs des services de renseignement des pays participants dans les 60 jours à compter d'aujourd'hui et prendra effet le 30 janvier 1976. Signé par Jorge Casas, Carlos Mena, capitaine de la marine, commandant de l'armée, chef de délégation, Argentine, Bolivie. Manuel Contreras Sepulveda, José A. Fons, colonel de l'armée, directeur des services de renseignement, chef de délégation, Chili, Uruguay. Benito Guanes Serrano, colonel de l'armée, chef de la 2e section du Haut Commandement des Forces Armées, Paraguay.